La vie vaut-elle d'être vécue avec un corps en loc et en ruine? Bien avant l'invention du mot « handicap », c'est Platon qui pose cette question dans l'un de ses dialogues, le Criton. La vie vaut-elle d'être vécue avec un corps en loc et en ruine? La réponse à cette question n'est pas la même au fil des siècles et présente un bon indicateur pour savoir dans quel type de société nous vivons. Et n'oublions pas que si le corps peut être en loc et en ruine, l'âme, ou plutôt l'esprit, dirait-on aujourd'hui, souvent l'est aussi. J'ai moi aussi mon infirmité, mais ça ne m'a jamais empêché d'exister. Alors un conseil, ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes un handicapé. Venez, je vais vous aider. On descend, et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop! Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes pierres aux gourmands. Vous sentez ce parfum? C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients. Salut. Salut. Ça va? Je suis venu voir le nouveau. Je t'appelle comment? Ben, toi? Moi, c'est Steve. T'as quoi? Tétraplégique, incomplet. Incomplet? Ah ouais, cool. Ouais. Tu bouges quoi? Je viens de m'apercevoir qu'à part mon œil, il y a deux choses qui ne sont pas paralysées. L'imagination et la mémoire sont mes deux seuls moyens de m'évader de mon scaphandre. T'aimes beaucoup les légendes diminuées. Depuis tout petit, hein. Con ! Qu'est-ce que tu dis, là ? Con ! T'as dit, un cul ! Ta pète ! Plus, spit ! Mongol ! Ah non, non, non, le Mongol, c'est toi. Mongol ! Mongol ! Moi, Mongol ! Soyez pas ridicule. Vous n'avez rien d'un handicapé, vous êtes... Comment dit-on ça ? Tu es un ange, mon ange. Tu es différent. Bonjour Bertrand Cantin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe à l'université Gustave Eiffel, directeur du LIFA, le laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Hannah Arendt. Vous dirigez le master 1 de philosophie éthique médicale et hospitalière appliquée et vous menez une réflexion philosophique sur les apports de la vulnérabilité dans la compréhension de l'homme que l'on peut lire notamment dans deux ouvrages dont vous êtes l'auteur, La philosophie face au handicap ainsi que Les Invalidés, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap, tous deux aux éditions RS. Si, comme on vient de l'entendre, la question du handicap a fait l'objet, voire même a été le sujet de plusieurs films en France, mais aussi à l'étranger, on ne peut pas dire que ce soit un sujet de préoccupation principale chez les philosophes. Alors, comment expliquer déjà ceci et comment en êtes-vous vous-même arrivé à réfléchir au handicap d'un point de vue philosophique ? Alors, si les philosophes, on peut parler du handicap, c'est déjà que le concept pose question. Est-ce un concept ? Là, vous avez commencé bien en tête avec une formule de Platon qui peut sembler très violente pour nous. Hein. La vie vaut-elle d'être vécue avec un corps en loc et en ruine ? Il faut essayer de se replacer dans le contexte. Hein. Nous avons affaire à une antiquité, alors l'antiquité grecque, où on est très sensible à l'harmonie du corps et de l'âme. La beauté des corps est quelque chose qui doit être mis en avant. On le repère notamment à la statuaire grecque qui nous présente beaucoup plus des corps athlétiques, des corps de Zeus, des corps de d'Apollon, et on voit très peu de corps difformes, si vous voulez. Mmh. Donc on a un idéal d'harmonie. Cet idéal d'harmonie est même théorisé par Platon dans le Timée, où il nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait ce désaccord entre un corps et une âme. Il faut une âme belle dans un corps beau, incorporé. Le corps sain, dans l'âme saine dans un corps sain, du latin juvénal, nous revient ici, anticipé chez les Grecs. Et ça montre que l'Antiquité grecque n'est pas prête à recevoir des corps difformes. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On a parlé de Platon la semaine dernière, République de Platon. Dans la République, Platon précise bien que les enfants difformes, on les enferme, on les expose, comme il dit. Bref, on les tue. Oui, alors deux choses à noter, c'est que la République de Platon, c'est un livre de philosophe. Et il est en train de penser une société juste. Il faut distinguer un peu cela de ce qui se passe empiriquement. ce qui se passe empiriquement, c'est effectivement déjà des phénomènes comme l'exposition. On expose le bébé monstrueux. Je l'ai précisé déjà, mais l'étymologie qu'on donne généralement par rapport au monstre est erronée. On croit que le monstre, c'est celui, étymologiquement, qui vient de monstrare en latin, celui qu'on montrerait dans les foires. Même Foucault se trompe dans cette étymologie. Ça viendrait de monestrum, monestrum, monéo, qui veut dire se souvenir d'un fait, se souvenir de quelque chose. Pourquoi ? Parce que un monstre, c'est quelque chose d'inattendu. Et par rapport à l'espèce humaine, vous avez un corps qui n'est pas tout à fait comme le corps des autres humains, en particulier, petite chose, il peut avoir un doigt surnuméraire, 6 doigts à une main, et cela suffit à l'exclure de l'espèce humaine. Donc, il n'y a pas que Platon, précisons quand même, hein, dans l'Antiquité. Enfin, on trouve la trace de ce type de comportement envers les enfants, tout à fait, soi-disant dit monstrueux, dans d'autres textes. Disons que je fais une petite différence au sens où l'exposition, c'est quelque part se refuser à un eugénisme actif, c'est-à-dire on ne tue pas les enfants, on les dépose dans la nature. Alors pourquoi exposition ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on expose aussi pour que officiellement le public puisse juger si on avait des raisons de se débarrasser. Ah d'accord, donc de d'abord l'enfant. On montre d'abord. Ben voilà, parce que sinon on pourrait donner l'infanticide serait généralisé ou pourrait l'être et donc c'est une manière de dire regardez, il y a bien des raisons, il a 6 doigts à chaque main, c'est pas normal, donc nous le déposons, nous l'exposons, et il peut ensuite être abandonné dans la nature. Mais abandonné dans la nature, ça ne veut pas dire tuer, ça veut dire on rend aux dieux ce qui leur appartient. Parce que si on tuait l'enfant directement, on pourrait craindre que la vengeance des dieux s'abatte sur le village, la ville, et donc c'est une manière de dire, bon, vous en ferez ce que vous voulez, et donc les dieux peuvent sauver l'enfant s'ils le désirent, parce que ça fait partie de leur bien. Donc là, on n'a pas un eugénisme assumé. Et par rapport à Platon, quand vous parlez de Platon, ben justement, chez Platon, il n'y a pas cette illusion, semble-t-il, que les dieux vont venir récupérer l'enfant. Donc là, on a un eugénisme beaucoup plus assumé et qui plus est organisé, puisqu'on pense que la société juste doit se débarrasser des enfants qui n'ont pas une conformité avec l'espèce humaine. Donc il y a une angoisse par rapport à la forme de l'espèce. Et dans cette angoisse-là, on peut dire que Platon, comme la plupart des philosophes qui ont évoqué ici ou là le handicap, ne se distingue pas vraiment du grand public. Il partage l'angoisse générale devant un corps qui ne ressemble pas à notre espèce. Et alors, pour la petite histoire, quand je parle donc de ce doigt surnuméraire, Uderzo, le génial dessinateur d'Astérix, il est né avec 6 doigts à chaque main. Polydactylie, comme on dit d'un point de vue médical. Ça veut dire qu'à l'époque des Grecs, il aurait été abandonné dans la nature. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de se rendre compte que les avancées de la médecine, et en particulier de la chirurgie, vont modifier la donne. On a un texte, alors beaucoup plus tardif, on n'est plus dans l'Antiquité grecque, mais dans l'Antiquité romaine, un texte d'Oribase. Oribase, qui est un médecin de l'empereur Julien l'Apostat. Et si je peux me permettre, je vais lire juste ce petit Allez-y, texte. Allez-y, ouais. Et donc, Oribase nous dit « Certains individus naissent avec 6 doigts, et les doigts surnuméraires poussent à côté du pouce ou dans des cas rares à côté du petit doigt. Leur point d'origine se trouve sur une phalange ou dans les chairs. Lors donc qu'ils tirent leur origine de la chair, on les enlève facilement. Quand les doigts surnuméraires prennent leur origine sur la phalange sous-jacente, il faut recourir à l'excision. On est aussi avec des doigts naturellement adhérents. Il faut rompre cette adhérence par une incision simple. » Alors ce texte d'Oribase, moi m'intéresse beaucoup, c'est un texte purement technique, c'est de la technique chirurgicale, mais c'est un témoignage qui nous dit, voilà, le progrès médical a permis de résoudre un problème chirurgical qui peut nous paraître assez simple finalement aujourd'hui, mais qui suffisait à ce qu'un enfant soit abandonné dans la nature à l'époque des Grecs. Donc là, on peut dire quelque part que avec les Romains ou avec ces chirurgiens romains, Astérix aurait été sauvé. C'est un petit peu ça qui nous vient à l'esprit avec ce texte d'Oribase. Alors, donc on parlait de Platon. Aristote écrit dans les Politiques, en ce qui concerne les nouveau-nés qu'il faut exposer et ceux qu'il faut nourrir, qu'il y ait une loi qui interdise de nourrir un enfant difforme. Sénèque, nous détruisons les fœtus anormaux et les enfants qui viennent au monde débiles ou monstrueux, nous les noyons. Il ne s'agit pas de colère, mais de raison qui impose de séparer ce qui est inutile de ce qui est sain. Je disais en début d'émission que la question du handicap permettait de mesurer, d'évaluer dans quel type de société nous vivons, comparer ce qu'on appellerait aujourd'hui un corps handicapé à un corps monstrueux, à quelque chose de scandaleux aujourd'hui, je vous propose, afin de développer cette idée-là, Bertrand Cantin, d'écouter un texte de Georges Canguilhem, donc 20e siècle, qui va expliquer d'où vient notre peur du monstre, et vous nous direz en quel sens aujourd'hui la conception du handicap a évolué par rapport à celle du monstrueux. L'existence des monstres met en question la vie quant au pouvoir qu'elle a de nous enseigner l'ordre. Cette mise en question est immédiate, si longue qu'ait été notre confiance antérieure, si solide qu'ait été notre habitude de voir les églantines fleurir sur l'églantier, les têtards se changer en grenouilles, les juments allaiter les poulains, et d'une façon générale, de voir le même engendrer le même. Il suffit d'une déception de cette confiance, d'un écart morphologique, d'une apparence d'équivocité spécifique, pour qu'une crainte radicale s'empare de nous. Soit pour la crainte, dira-t-on, mais pourquoi radicale? Parce que nous sommes des vivants, effets réels des lois de la vie, causes éventuelles de vie à notre tour. Un échec de la vie nous concerne deux fois, car un échec aurait pu nous atteindre, et un échec pourrait venir par nous. C'est seulement parce que, hommes, nous sommes des vivants, qu'un raté morphologique est à nos yeux vivants un monstre. En révélant précaire la stabilité à laquelle la vie nous avait habitués, le monstre confère à la répétition spécifique, à la régularité morphologique, à la réussite de la structuration, une valeur d'autant plus éminente qu'on en saisit maintenant la contingence. C'est la monstruosité et non pas la mort qui est la contre-valeur vitale. La monstruosité, c'est la menace accidentelle et conditionnelle d'inachèvement ou de distorsion dans la formation de la forme. C'est la limitation par l'intérieur, la négation du vivant par le non-viable. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons du handicap cette semaine. Y a-t-il un concept du handicap? C'est la question de ce matin, enfin que je pose à mon invité philosophe Bertrand Cantin ce matin. Pourquoi avons-nous peur de ce qui ne nous ressemble pas et pourquoi appelons-nous monstre ce qui consiste en un écart par rapport à une norme? Eh bien, ce sont à ces deux questions que tente de répondre Canguilhem dans ce texte Bertrand Cantin, sans même prononcer le mot de handicap. Ici, il s'intéresse au monstrueux. Oui. Alors déjà, le terme de handicap est problématique. Donc il faudra s'interroger déjà sur ce qu'il recouvre. Avant d'y arriver, je dirais peut-être quelques mots sur ce texte de Canguilhem. Canguilhem nous parle d'une angoisse, qu'on peut dire une angoisse archaïque. Une angoisse qui est venue du fait que face à la répétition du cycle de filiation, on a une rupture, un effet de rupture, et on a une angoisse qui nous vient. Alors, ce que Canguilhem a l'air de dire, c'est que cette angoisse est encore plus forte que l'angoisse devant la mort. Je pense philosophiquement que ça pourrait être discuté. Il nous parle ici d'une angoisse empirique. Il fait un petit peu comme si la mort était quelque chose de naturel qui nous vient de l'extérieur. Voilà, vous avez un Boeing 747 qui vous tombe sur le coin du nez. Vous avez un virus qui s'infiltre en vous. Ça vous vient de l'extérieur et donc la mort serait l'extérieur, le non-vivant qui vous attaquerait de l'extérieur. Par opposition à la monstruosité ici, qui serait une attaque du non-viable au sein du vivant. C'est un peu comme si il y avait une cinquième colonne, on est travaillé de l'intérieur, il y a une traîtrise qui est faite, et c'est cette traîtrise qui amènerait la perte de confiance dans le cycle de la vie. Donc angoisse archaïque qui se double aussi d'une angoisse par rapport à notre responsabilité, puisque Canguilhem a l'air de parler donc de la possibilité qu'on soit soi-même cause le handicap, donc c'est le fait d'avoir des enfants handicapés, hein, d'être soi-même nous craignons de pouvoir, il y avait la possibilité que nous puissions être handicapés, et ensuite en tant que parents, nous pouvons donner la vie à un enfant handicapé. Donc une angoisse qui nous saisit. Henri-Jacques Sticker a une autre expression, lui, il nous parle... Qui est Henri-Jacques Sticker? Henri-Jacques Sticker, c'est un sociologue qui nous parle du handicap. Un très bon livre qui s'appelle « Corps, infirmes et société » de Henri-Jacques Sticker. Et lui, il voit dans cette angoisse archaïque la peur d'être banni. La peur d'être banni, c'est-à-dire que nous avons peur d'être banni du groupe. Ce qui était le cas donc de l'enfant difforme, qui était exclu du groupe. La peur d'être banni. Cette peur d'être banni nous travaille, et elle nous travaille en permanence, elle nous travaille à tous les niveaux. Hein, dans les cours de récréation, les enfants ont peur d'être bannis du groupe. Donc il faut atteindre une certaine normalité, ressembler aux autres. C'est là où il faut qu'on définisse ce que c'est que le handicap. Hein, parce que ne pas être normal est un sentiment que nous avons tous eu un jour ou l'autre, surtout dans le cours de récréation. Or le handicap désigne, semble-t-il, une réalité un peu différente. Donc, déjà dites-nous d'où vient le mot handicap ? Alors, étymologiquement, l'étymologie, c'est pas toujours utile. Hein. La philosophie, elle aime bien parfois partir de l'étymologie, mais ça nous dit quelque chose de l'histoire des mots. Des fois, ça nous apporte rien. Des fois, ça nous aide un petit peu, ça nous donne des pistes. Alors ici, pour le handicap, c'est un terme qui nous vient de l'anglais. Au XVIe siècle, c'était un jeu qui s'appelait « hand in cap », la main dans le chapeau. On avait des joueurs qui faisaient des paris autour d'un objet ou de plusieurs objets, et ils étaient mis dans un chapeau. Donc, il y avait un effet de hasard, un arbitre qui mettait la main dans le chapeau pour ensuite voir de quel objet il s'agissait. Donc on avait dans ce jeu une idée de hasard, une idée de mise, de jeu, et ce contexte-là va se retrouver ensuite dans les courses de chevaux. Donc au XVIIe, XVIIIe siècle, on va appeler un handicap le poids que l'on rajoute sur les meilleurs chevaux pour pouvoir donner encore du suspense dans une course de cheval. Parce que quand vous avez un cheval qui est bien supérieur aux autres, on sait qu'il va gagner. Donc pour arriver à redonner du suspense, on lui met un poids supplémentaire. Donc c'est l'idée d'un frein. Voilà, d'un frein, d'une compensation, mais dans un sens négatif. Ce sont les meilleurs qui ont le handicap, qui vont recevoir le handicap. Et puis, de cette idée-là, qui est l'idée de compensation, parce que là, on est passé vraiment à l'idée de compensation, on va passer au terme handicap dans le contexte humain, mais c'est très très tardif, puisque dans le dictionnaire de l'Académie française, cela apparaît en 1917. Le terme handicap rentre dans le dictionnaire de l'Académie française en 1917. Donc c'est récent. Nous qui pouvons avoir l'impression que c'est un mot courant, le mot handicap, en réalité, il rentre récemment, officiellement, dans la langue française. Et 1917, il est possible qu'il y ait quand même un rapport avec la guerre 14-18, qui commence à charrier son lot de gueules cassées et de personnes handicapées. Alors il faut bien préciser que au XIXe siècle, le handicap semble être de la responsabilité de l'individu lui-même. C'est ou lui ou ses parents. Hein, on a cette angoisse, encore une angoisse. Hein, ouais. On fraye beaucoup avec les angoisses ici. C'est l'angoisse de la dégénérescence de l'espèce. Hein, le 19e siècle est caractérisé par cette peur. Avec l'évolution des espèces, le darwinisme, avec des conceptions biologiques, on se dit, attention, l'espèce humaine est menacée par des êtres qui seraient de qualité moindre. Donc là, la dégénérescence de l'espèce permet d'accuser les potentiels parents. Ils ont trop bu, ils ont eu des actes répréhensibles physiques entre eux, et ça a donné une catastrophe, ils sont responsables. La personne handicapée peut être aussi responsable parce que, je ne sais pas, si c'est un handicap acquis, elle a fait une chute, une mauvaise chute, elle est responsable. Donc la responsabilité est portée sur l'individu. Or, à partir de la guerre 14-18, et qu'on voit des milliers, voire des millions de personnes qui reviennent en étant cassées, le corps cassé, ils ne sont pas responsables de leur handicap, mais c'est bien la société qui l'est. Et du coup, l'idée de compensation devient d'autant plus évidente. La société se doit de compenser par rapport à ses handicaps acquis. Et là, il y a un basculement qui se fait. Et on peut dire que d'une manière générale, les grands conflits humains qui charrient beaucoup de morts et beaucoup de blessés et beaucoup de personnes handicapées sont des accélérateurs par rapport à l'attention portée au handicap. Aux États-Unis, c'est 1973, hein, le Rehabilitation Act, qui va obliger l'État fédéral à rendre accessible la société. On est à la sortie de la guerre du Vietnam, on est encore sur la toute fin, mais vous avez aussi des corps cassés qui arrivent de manière très très importante et où l'État fédéral se sent une responsabilité. Vous parliez justement du contexte américain. En anglais, on dit disabled. Les mots ont un sens, vous le disiez bien, et surtout le mot de handicap aujourd'hui, dont vous venez de rappeler l'étymologie, qu'on connaît peu, qui est vraiment intéressante. En anglais, le mot disabled laisse entendre, ce sont des corps qui ont des capacités différentes, alors qu'en français, handicap est devenu quelque chose de beaucoup plus rédhibitoire. Alors, j'aurais tendance à dire l'inverse au départ. Ah oui ? C'est-à-dire, en anglais, disability, c'est l'incapacité. Disability, on n'est pas able. Mmh. Donc, le terme anglais, quelque part, ne permet pas aux anglo-saxons de penser le concept de compensation, puisqu'il est fixé sur la déficience. Or, une chose qui est importante à comprendre, c'est la distinction entre la déficience et le handicap. La déficience, c'est la différence physiologique, la physiologie qui fait que vous avez deux jambes qui ne fonctionnent pas, deux bras qui ne fonctionnent pas, ou il vous manque deux bras. Ça, c'est la déficience. Vous avez une personne qui est en fauteuil roulant, qui arrive devant un bus à l'ancienne, il a du mal à rentrer, il a une déficience importante et un handicap important. S'il se trouve maintenant devant un handicap, un bus récent qui a un plancher surbaissé, il rentre facilement dans le bus. Mmh. Sa déficience, elle est restée la même, mais son handicap a diminué. Donc là, on voit en quoi la déficience, c'est un regard sur un aspect physiologique, médical du corps, et que le handicap est un concept plus relatif. Selon la manière dont la société est organisée, la déficience aura un impact fort ou ne l'aura pas. Donc, oui. Relativité du concept de handicap. Et donc, par rapport à disability, le grand paradoxe dans l'affaire, c'est que les anglo-saxons sont munis d'un terme qui est focalisé sur la déficience. Nous, depuis 1917, en tout cas, avec cette entrée dans le dictionnaire de l'Académie française, on a un mot qui nous fait regarder du côté de la compensation, handicap. Mais le grand paradoxe, c'est qu'en réalité, les anglo-saxons ont initié de manière beaucoup plus précoce que nous des politiques d'inclusion. Ce qui veut dire que les mots, c'est bien joli, mais les étymologies, ça s'oublie. Oui. Que le terme de handicap, s'il a été inventé en 1917 ou s'il a été avalisé en 1917 pour insister sur l'idée de compensation, en réalité, au départ, on voulait remplacer le mot invalide par handicapé. Tu n'es pas un déficient, tu es un handicapé. Sauf que avec 50 ans, dans la vue, et bien dans les cours de récréation, c'est devenu une insulte. Mmh. Donc le mot est, en tant que compensation et en tant que valorisation, est oublié. On fabrique un nouveau mot, un néologisme, mais la réalité sociale change la donne. Oui, mais elle est très difficile à nommer, cette réalité sociale, parce que le mot d'handicapé regroupe un nombre de réalités extrêmement différentes. Naître avec six doigts n'est pas la même chose que naître tétraplégique. Or, le mot handicapé semble aujourd'hui être associé à l'exclusion. Handicapé, c'est inadapté. Or, il y a des degrés de handicap. Tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que, alors on l'a pas redit, mais c'est vrai que le mot de handicap, le concept de handicap, on l'utilise au XXe siècle, mais il faut bien se dire que dans les siècles qui précèdent, ces réalités que l'on met sous ce même terme étaient fort différenciées. Un estropié et un fou, ça n'a rien à voir. Or, on parlera de handicap mental et de handicap psychique, et de handicap physique, de handicap sensoriel. Donc on regroupera des catégories qui n'étaient pas regroupées par le passé. Et ça explique pourquoi les philosophes n'ont pas fait de philosophie sur le handicap. Ils ont utilisé de temps en temps l'exemple d'une personne aveugle. On trouve ça chez les philosophes antiques assez régulièrement. Chez Diderot aussi. Voilà. Sur le handicap mental ou psychique. Bon, on verra chez John Locke des occurrences, dans son dialogue notamment avec Leibniz. Leibniz qui lui répond. Mais c'est vrai que c'est problématique. Alors on peut se demander, est-ce qu'il y a une véritable unité qui fasse qu'il y ait un concept réel du handicap, ou est-ce qu'on n'a pas affaire à un regroupement de problématiques qui, d'un point de vue social, donne plus de poids, d'un point de vue associatif. Donc là, on n'est pas devant un concept ontologique, si vous voulez, mais davantage devant des réalités de rapport de force, tout simplement. On peut avoir un ministre du handicap qui permet ensuite de porter la parole de différentes situations. Et puis, Encore une fois, le mot handicap, voilà, devrait disparaître derrière l'idée qu'il y a des handicaps, et puis même pas des handicaps, on pourrait dire des situations de handicap. Ouais. Hein, la fameuse expression « personne en situation de handicap ». Là, on peut avoir tendance à se dire qu'est-ce que c'est que ces mots du politiquement correct qui nous oblige à avoir des termes longs. Alors, au départ, on pouvait parler d'un handicapé. Il vaut mieux parler de personne handicapée, parce que quand vous dites un handicapé, vous faites comme si le handicap était central et caractérisait l'essence de cet individu. Quand vous dites une personne handicapée, déjà vous adjectivez le handicap. C'est d'abord une personne, et il se trouve que cette personne est handicapée. Voilà, c'est un adjectif qui se surajoute. Et puis, avec cette expression « personne en situation de handicap », on ajoute l'idée que la société a sa responsabilité, parce que la personne peut être en situation de handicap. Alors, je donnais l'exemple de ce bus à l'ancienne. Vous êtes en situation de handicap devant un bus à l'ancienne et devant un bus dans lequel un bus moderne, parce que la société a investi dans de nouveaux équipements, eh bien, vous n'êtes plus en situation de handicap. Donc là, encore une fois, on retrouve l'idée de relativité du handicap. Oui. Et situation de handicap, ça veut dire que... Alors, le titre de mon livre, Les Invalidés, une nouvelle réflexion philosophique sur le handicap, Les Invalidés, c'est un néologisme que j'ai utilisé parce que les invalides, ça donne l'impression qu'on est focalisé sur la physiologie. Voilà, c'est un invalide, il a un problème physiologique, une déficience. Alors que les invalidés, ça signifie que la société peut avoir une responsabilité dans le fait de ne pas permettre à la personne de circuler correctement dans la cité. Mais est-ce que dans tous les cas, le problème n'est pas, vous parlez de l'essentialisation, effectivement, que l'on risquait de faire advenir en parlant des handicapés, non pas des personnes handicapées, mais dans tous les cas, le terme même d'handicapé, même lorsqu'on dit personne handicapée ou en situation de handicap, laisse entendre qu'il y a un pas de côté ou un mal fonctionnement par rapport à une norme. Est-ce que finalement l'enjeu n'est pas cette norme? Quand bien même l'époque aurait beaucoup changé depuis l'Antiquité, je ne crois pas que l'on expose encore des enfants jugés mal formés ou parce qu'ils ont 6 doigts, reste que le terme même d'handicapé n'a de sens que par rapport à une norme qui est implicite, qui est souvent pas nommée en tant que telle, qui est très diffuse et qui, si on regarde vraiment de près, n'en est pas vraiment une finalement. N'y a-t-il pas autant de disparités chez les êtres humains dans le concept que cache le concept même de norme, et que le mot d'handicapé laisserait penser que ce serait une exception? Non, finalement. Le terme de norme en société ne tient pas forcément. Je vous propose d'écouter le témoignage de Marcel Nuss. Écoutez. Je peux affirmer que je suis ma propre norme parce que je m'en fous des normes. Ce qui signifie que j'ai pris du recul, de la hauteur face au regard normatif. Peu m'importe ce qu'on pense ou ce qu'on dit de moi, ce qui m'importe, c'est d'être en accord avec moi-même. Que cela dérange ou ne dérange pas. C'est-à-dire que je ne m'interdis rien, je ne me permets pas tout. C'est une formule de la mère de mes enfants. Qui m'a beaucoup marqué. Parce que elle signifie bien ce que veut dire être libre et ce que veut dire être sa propre norme. On peut avoir des capacités sans avoir de liberté. Comme on peut avoir des libertés en ayant très peu de capacités. Marcel Nuss souffre d'amyotropie spinale, hein, c'est une dégénérescence des cellules nerveuses, et dans l'extrait que vous venez d'entendre, c'était l'extrait d'une conférence à l'Université de Bourgogne, donnée le 12 juin 2017, il explique finalement que ce rapport à la norme est pour lui ce qui avait pu l'enfreindre et qui aujourd'hui le libère, parce qu'il dit, ne plus considérer les normes comme étant quelque chose d'important. Et ce cas-là est intéressant parce que Marcel Nuss insiste souvent sur le fait que son handicap le dérange surtout dans la mesure où il dérange les autres et pas lui-même. Donc on renverse ici le point de vue par rapport aux normes, Bertrand Cantin. Oui, c'est vrai. En même temps, j'ai envie de dire, Marcel Nuss est quelqu'un d'exceptionnel. Alors vous me direz, on est tous exceptionnels quelque part, mais il est quelqu'un d'exceptionnel parce que il a réussi à gagner une confiance en lui-même qui lui permet d'avoir un discours qui a une grande force. Mmh. Et malheureusement, le regard extérieur, le regard stigmatisant, ce que Erving Goffman a défini comme la stigmatisation, peut avoir tendance à nous affaiblir psychiquement. On peut avoir tendance à se sentir beaucoup moins fort parce que on est regardé comme quelqu'un d'étrange. Et puis, encore une fois, quand on est banni dans la cour de récréation, donc Marcel Nuss peut dire je ne suis ma propre norme, je n'ai pas peur, etc. Mais parce qu'il a réussi à construire une existence. Alors effectivement, Marcel Nuss est quelqu'un d'exceptionnel parce que d'abord, il a beaucoup d'humour et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Mais quand il se décrit, il dit « je suis un choc visuel ». Je suis un choc visuel, donc c'est quelqu'un, donc il a... Décrivez-le quand même, ouais. Alors, il a subi une amyotrophie spinale, donc c'est une maladie qui dégénérative des muscles. Donc, il a un corps malingre, avec une tête surdimensionnée. Quand il arrive dans une pour faire une conférence, il est allongé, donc il est impressionnant. Et arriver à dépasser cet aspect physique, c'est une conquête de sa part. Donc, au fur et à mesure de sa vie, il a réussi à conquérir cela. Alors, aussi parce qu'il a eu l'amour de ses proches, hein, qui lui a donné une grande force. Mais la chose étrange, c'est que même les proches peuvent passer à côté de ce genre de situation. Quand il parle de sa mère, il dit que sa mère continue, 50 ans après, à dire qu'elle préférait qu'il marche. Alors qu'en réalité, lui, il s'est construit d'une manière positive. C'est ça. Toujours la référence à une norme, à soi-disant la normalité. Mais attention à ce romantisme qui voudrait que, voilà, les handicapés sont des gens différents et chacun est différent et donc ils sont leurs propres normes. C'est toute la question. Voilà, la grosse difficulté, c'est quand on n'arrive pas à développer la force de pouvoir se construire malgré les normes qui nous entourent. Et ça, c'est très difficile. Donc, encore une fois... Alors, ce qui est bien, c'est que Marcel Nuss est un exemple pour les autres. C'est un phare. Alors, Alexandre Jolien également. Ce sont des gens qui permettent de décentrer notre regard, de se dire, tiens, on peut être autrement et tout en étant intéressant. Parce que justement, Marcel Nuss, Alexandre Jolien sont des gens qui nous apportent des choses nouvelles. Donc il y a une richesse qui est apportée. Et c'est là où on peut dire, ah, la différence nous apporte de la richesse, de l'intérêt. Oui, mais toute la question est de savoir, et c'est pour ça que j'insiste sur cette idée de norme, et vous le faites aussi dans vos ouvrages, c'est de savoir, est-ce que ce qui sépare une personne soi-disant normale d'une personne handicapée, est-ce que c'est une question de degré ou de nature? Est-ce que le sentiment d'être inadapté, de ne pas se sentir adapté à la société dans laquelle nous vivons, est le début d'un handicap? Il y a des handicaps qui ne sont pas visibles, des handicaps qui ne sont pas nommés. Où commence le handicap? Donc encore une fois, c'est une question de degré ou de nature? Alors au cours de notre existence, de notre enfance, on va se construire. Et donc la difficulté avec le handicap, c'est qu'on va avoir moins de potentialité pour se construire si la société, en tout cas qui nous entoure, ne nous le permet pas. Et on va donc se constituer une psychologie plus atrophiée, on aura moins confiance en soi, on s'interdira un certain nombre de voies. Et donc là, on voit que Marcel Nuss se dit « je ne m'interdis pas des voies ». Et c'est un message important parce que tous les enfants qui sont dans des écoles ordinaires peuvent se dire « je ne dois pas m'interdire aussi de rêver à être à travailler dans l'armée, je ne dois pas m'interdire à travailler à la radio, je ne dois pas m'interdire de toutes sortes de métiers ». Et c'est cette ouverture-là qui est rendue possible par le fait que certains prennent ce risque et ensuite servent d'exemple pour les autres. Donc par rapport à votre question sur le... Où commence le handicap au fond? À partir de quand dit-on d'une personne qu'elle est handicapée? Alors déjà, nous sommes tous quelque part handicapés, au sens où nous avons tous nos secrets échecs, nous avons tous eu un moment où nous avons été rejetés du groupe, rejetés de, par celle que l'on aimait. C'est une blessure en nous définitive parfois. Donc nous avons tous ces échecs-là. Après, il y a du plus et du moins. C'est-à-dire que, encore une fois, la posture romantique qui consiste à dire « nous sommes tous handicapés », elle est très méprisante par rapport à ceux qui subissent de plein fouet des obstacles bien plus importants que d'autres. Mm-hmm. Donc, c'est une question de degré, ensuite, hein, sur la quantité d'obstacles que l'on subit sur notre chemin avant de pouvoir développer nos possibilités. Alors, je vous propose, pour continuer à examiner ce terme de handicap, voir en quel sens c'est un concept et continuer à essayer de le définir, d'écouter un texte d'Erwin Goffman qui s'appelle Stigmate, les usages sociaux des handicaps. Vous l'avez cité tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Goffman en deux mots avant qu'on écoute le texte? Alors, c'est un sociologue canadien qui ensuite a travaillé aux États-Unis. Il est connu en particulier pour sa première expérience où il s'est immergé dans un hôpital psychiatrique américain près de Washington pendant plusieurs mois. Et c'est de cette immersion qu'il va tirer plusieurs articles qui donneront l'ouvrage « Asile », où il explique de l'intérieur comment ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Un individu très myope, bien qu'il sache que les autres connaissent son infirmité, peut toutefois hésiter à lire en leur présence, parce que cela l'obligerait à porter le livre à quelques centimètres de ses yeux, lui donnant le sentiment de rendre trop flagrant son état de quasi-cécité. Mais l'expression la plus intéressante des efforts de couverture est sans doute celle qui a trait à l'organisation des situations sociales. Tout ce qui interfère directement avec l'étiquette et les mécanismes de la communication constitue pour l'interaction une entrave permanente qu'il est difficile de négliger réellement. Par suite, les individus affligés d'une tare, surtout s'il s'agit d'un handicap physique, sont souvent obligés d'apprendre les structures de l'interaction s'ils veulent découvrir selon quelles lignes ils doivent se recomposer une conduite afin de minimiser l'importunité de leurs stigmates. À considérer leurs efforts, il arrive donc que l'on relève certains traits des interactions qui, sans cela, semblerait trop naturel pour qu'on les remarque. C'est ainsi que les personnes qui entendent mal apprennent à parler avec la force que leurs auditeurs estiment appropriée à la situation et savent en outre se tenir prêtes pour ces moments critiques où le maintien de convenance requiert précisément une oreille fine. De même, certains aveugles apprennent à regarder leur interlocuteur dans les yeux, car cet acte, en dépit de son inutilité, les retient de fixer le vide, de baisser la tête et, d'une façon générale, de violer involontairement le code des signaux d'attention qui structure l'interaction verbale. J'adore que tu imagines que j'ai assez confiance en moi pour être sur Grindr. Qu'est-ce que mon profil indiquerait? Je suis gay et handicapé, mais je promets de ne pas baver avant le troisième rencard. Il y a plein de fétichistes de la bave dans ce monde. Fléchis ton pied. Je suis trop grave jaloux de Bob. Ryan, Bob utilise un cathéter pour pisser. Je sais, c'est juste que ça doit être rassurant d'être si handicapé. Parfois, j'ai l'impression qu'être un handicapé léger, c'est comme être métisse. Tu viens de dire à peu près 15 trucs hyper choquants. Ce que je veux dire, c'est que je suis dans le flou, ok? Tu vois? Je suis pas assez valide pour être comme tout le monde, mais en revanche, je suis pas assez handicapé pour traîner avec ceux qui sont en fauteuil. Au moins, Bob, lui, sait où est sa place. Je comprends. Mais il faut que tu m'écoutes. T'as de la chance. Tu es privilégié. Il faut que tu dépasses ça. Crois-moi. J'aimerais bien. Que couvre le terme de handicap? C'est la question posée par la série télévisée Special. Vous venez d'entendre un extrait du premier épisode de la première saison. La personne, Ryan, dit bien qu'elle ne sait pas où se situer, ni assez valide pour être comme tout le monde, ni assez invalide pour être avec ceux qui sont atteints de handicap sévère. Et c'est la question que pose le texte d'Erin Goffman que nous venons d'entendre, un extrait de Stigmate. Couvrir le handicap, c'est bien cela. C'est quel type de réalité mettons derrière ce terme que l'on peine encore à définir, Bertrand Cantat? Alors, d'autant plus que le titre de l'ouvrage dont est tiré ce texte là de Goffman, Stigmate, en français, il y a le sous-titre « Les usages sociaux des handicaps ». En anglais, c'est pas ça. Le terme utilisé, c'est pas handicap et c'est pas disability, c'est spoil identity. Ah oui, c'est spoil, différent. C'est différent. Il parle des identités, on pourrait dire abîmées, des ouais, identités altérées, abîmées, ouais. Altérées. Et ce qui nous montre que l'objet philosophique ou sociologique que Erving Goffman étudie n'est pas ce que nous ici à cette émission appelons le handicap, mais plus large. Puisque il met dedans les prostituées, les noirs, les juifs. Ah oui, là c'est un problème. Alors de traduire ça par handicapé. Ah tout à fait. C'est pas les handicaps. Alors sauf que ça signifie que ce sont des personnes qui ont un handicap dans la société parce que leur identité donne lieu à discrimination. Donc, c'est ce qu'on appelle les minorités. En français, on appelle ça les discriminations. Hein, le stigmate, c'est vraiment un terme qui est employé par rapport à la stigmatisation, par rapport à toutes sortes de discriminations. Donc là, le texte qu'on a entendu nous parle spécifiquement du handicap physique, des aveugles, etc. Mais l'ensemble de l'ouvrage nous parle des interactions sociales de toute personne qui peut avoir un complexe social et qui, du coup, se sent stigmatisé. Alors, il a inventé le terme, hein, parce que le terme stigmatisation est très très courant en français aujourd'hui, mais c'est bien Erving Goffman, donc c'est en 63, hein, qui publie Stigma en anglais, Stigma, l'idée qu'il y a un trait physique ou social ou ethnique qui empêche l'individu d'évoluer comme les autres au sein de la société. Et c'est ça ce stigmate. Et le texte, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie de nous montrer comment certains essaient de masquer minimiser. Ils ont des stratégies pour masquer, pour minimiser leur handicap ici. Hein, ils parlent même d'une attitude de couverture, hein, des efforts de couverture. On essaie de se couvrir pour que ça n'apparaisse pas. On est un peu comme dans un film d'espionnage où on sert de couverture. Et là, c'est une couverture pour que ça n'apparaisse pas. Donc on est devant la difficulté de ne pas montrer aux autres que l'on est porteur d'un handicap parce que ça peut nous empêcher d'évoluer correctement dans la société. Donc on peut faire semblant. Alors tous les handicaps ne le permettent pas. Vous avez des handicaps visibles. Tout à l'heure vous avez parlé des handicaps invisibles. Le handicap invisible, c'est justement quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu immédiatement et qui peut donner l'impression que la personne est comme les autres. Un handicap psychique, par exemple, où vous avez des difficultés de concentration, des angoisses, donc ça ne se voit pas nécessairement. Mais par contre, quand on a un handicap visible, manifeste, les choses sont claires dès le début. Hein, vous êtes avec un fauteuil roulant, c'est clair pour tout le monde dès le début. En revanche, avec un handicap psychique, comme ça n'est pas clair dès le début, il peut y avoir une très grosse difficulté à vivre avec quelqu'un parce que les autres se demandent ce qui se passe. Et donc, il y a un mal-être qui s'installe et le sentiment de mal-être peut être plus fort que pour une personne qui a un handicap visible. C'est ce que dit le personnage de la série qu'on a entendu. Il dit comme je me sens ni assez valide pour être comme tout le monde, ni assez invalide pour être du côté de ceux qui sont atteints de handicap sévère. Il dit être handicapé léger, c'est comme être métis au fond. On est ni l'un ni l'autre. Il faut introduire un concept que vous développez dans votre travail, Bertrand Cantin, qui est celui de liminalité. C'est être toujours situé à la marge des autres. Oui, alors ça n'est pas mon concept, hein. La liminalité c'est... On trouve chez Foucault déjà. Alors même avant Foucault, c'est le sociologue, l'ethnologue Van Gennep qui en 1909 écrit un ouvrage qui s'appelle Les rites sociaux et où il montre que dans certaines communautés, en particulier africaines, vous avez des rites qui font que l'individu est exfiltré du groupe pendant une certaine période de temps et il est mis donc à la marge du groupe pour recevoir une formation et ensuite il est réintégré dans le groupe et il devient un adulte par exemple, hein, ce phénomène de rituel. Cela va passer ensuite dans la sociologie et puis Foucault va le citer à un moment au début de l'histoire de la folie à l'âge classique quand il parle des bateliers qui au Moyen-Âge ou à la Renaissance emportaient des cargaisons de fous d'une ville à une autre, ce qui permettait aux villes de ne pas avoir de fous dans leur basque. Et les handicapés mentaux, psychiques, ce qu'on appelait des fous à l'époque, étaient donc dans un voyage permanent. Ils étaient sur le seuil. Et ce concept-là, ensuite, va être développé par Robert Murphy, spécifiquement pour le handicap. Mm-hmm. Spécifiquement pour le handicap. Et là, il le dit clairement, le propre de la liminalité, c'est que les personnes handicapées ne sont ni totalement exclues, parce que si on exclure totalement les personnes handicapées, c'est le nazisme, c'est l'extermination. Donc on n'est pas dans une société qui exclut totalement les personnes handicapées, mais on ne les inclut pas non plus. Il y a une sorte de paroi de verre qui les empêche d'être véritablement incluses, d'avoir un accès à un certain nombre de métiers, de possibilités. Et donc, pour reprendre la formule de Robert Murphy, les handicapés à long terme ne sont ni malades, ni en bonne santé, ni morts, ni pleinement vivants, ni en dehors de la société, ni tout à fait à l'intérieur. Et ça, c'est bien la thématique de la liminalité. Et pour prendre un exemple contemporain des effets de la liminalité, on peut par exemple prendre celui-ci. Quel est ce cri étrange? Ce n'est pas un gorille. Non, nous sommes trop loin de la montagne. Tu vas bien. J'ai cru t'avoir perdu. J'ai failli devenir complètement fou. Quand j'ai compris que tu avais été enlevé par cette bête... C'était un homme. Un homme? Se balançant dans les arbres? Je sais que c'est un homme. Comment il se trouve là, je l'ignore. Il ne parle pas. Il ne sait rien dire. Bertrand Cantin, comment le personnage de Tarzan illustre-t-il ce qu'est la liminalité? Oui, alors c'est assez rigolo. Je suis tombé par hasard sur les droits d'utilisation du personnage de Tarzan par la société Edgar Rice Burroughs, qui gère les droits du personnage de Tarzan en dessin animé, en film, en bande dessinée. Et c'est très étonnant de voir à quel point un personnage qui peut nous sembler libre d'accès pour tout dessinateur est en réalité corseté par des règles très précises. Et je vais vous lire le passage donc qui indique de la part de cette société quelles sont la manière dont Tarzan peut être représenté. Alors, Tarzan doit apparaître fort, énergique, bien rasé, en très bonne condition physique. Il ne doit pas être montré perdant la vie ou un membre ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. En même temps, il est interdit de faire de Tarzan un héros égoïste, avide ou cruel, ou se moquant des déformations mentales ou physiques des autres. Alors ça, c'est très intéressant, ouais, parce que... C'est les deux côtés, hein. C'est ça. C'est qu'on peut avoir l'impression qu'on a une description ouverte de Tarzan, parce qu'il ne doit pas être égoïste, il ne doit pas avide ou cruel, il ne doit pas se moquer des personnes handicapées. Il ne doit pas se moquer des déformations mentales ou physiques des autres. Mais en même temps, on n'a pas le droit de le représenter ayant perdu un membre ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. On n'a pas le droit de le représenter ayant un handicap physique ou mental. Donc c'est typiquement la liminalité où vous êtes ni tout à fait à l'extérieur, on ne le rejette pas complètement parce que il faut cette attitude compassionnelle où le personnage doit être ouvert à la fragilité. On doit être ouvert à la fragilité, mais en même temps, il faut pas se laisser contaminer par le handicap. Hein, vous savez, cette question de la contamination. Et vous savez, j'ai une autre petite anecdote qui est quand je suis allé à la sortie de mon livre, donc Les Invalidés, nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap, je suis allé faire un tour, comme tout bon auteur un peu narcissique, du côté de la Fnac des Halles, et j'ai demandé s'ils avaient le livre Les Invalidés. Et je ne trouvais pas. Alors d'abord, je ne trouvais pas le livre au rayon philosophie. Mmh. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc je demande à un préposé à la philosophie ce qu'il en était. Et puis il me dit, il regarde sur son ordinateur et il me dit, ah oui, ben on en a. Mais venez, ils sont pas là, ils sont en pédagogie rééducative. Alors j'étais un peu étonné. Je dis, mais attendez, réflexion philosophique sur le handicap. Vous mettez ça en pédagogie rééducative. Déjà, le concept de pédagogie rééducative est quelque chose. Hein. Voilà. Et il me dit... alors, je dis, mais c'est quand même de la philosophie. Il me dit, ouais, mais c'est du handicap. Et là, vous avez typiquement la liminalité. C'est-à-dire, vous avez beau faire un travail philosophique sur un objet comme le handicap, il va être contaminé par cet effet-là et qui fait que on peut au mieux le mettre en... pédagogie rééducative. Alors, vous parlez de narcissisme, ça me fait penser à un autre concept qu'on lit aussi dans votre travail, c'est celui d'empathie égocentrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors l'empathie égocentrée, c'est un défaut, un paralogisme, hein, ce qu'on appelle un paralogisme en philosophie, c'est une erreur logique que l'on commet tous sans bien s'en rendre compte, où on essaie de se mettre à la place de la personne handicapée, on a de l'empathie pour elle, mais on le fait en partant de notre position de dit valide. Et donc, c'est une empathie qui reste centrée sur nous-mêmes, qui reste égocentrée, et on tape à côté. Par exemple, une personne à qui il manque les deux bras, d'emblée, on essaie de s'imaginer ce qui nous arriverait si on n'avait pas ses deux bras, si on perdait nos deux bras. Et donc, on a un sentiment très désagréable. Donc, la personne handicapée nous semble nécessairement être malheureuse, ne pouvoir que avoir un destin triste, et ça vient de cet effet donc de l'empathie égocentrée. On peut pas en sortir de cette empathie égocentrée. Pour en sortir, il faut simplement écouter davantage les personnes handicapées et puis vivre avec elles. Donc là, elles nous expliqueront que, et on se rendra compte que ce sont des personnes qui peuvent être heureuses. Donc Marcel Nuss, lorsqu'il nous en parle, Alexandre Jolien, sont des personnes qui ont un discours très clair là-dessus. J'ai un petit passage, si je peux me permettre. Allez-y, Alexandre, reste une Jolien, minute. Qui nous dit « J'ai longtemps cru que ces étiquettes étaient vraies, que l'équation handicapé égale malheureux est une loi établie, prouvée, incontestable. L'expérience quotidienne vient quelquefois délicieusement ruiner ces vérités établies. Le paralysé que tous prédisaient malheureux soutient le moral de qui le côtoie. Cependant que l'élite intellectuelle promise à une somptueuse carrière sombre dans un mal-être sans mesure. Pourtant, il a tout pour être heureux. L'énoncé confine à l'ineptie. Le bonheur se confectionnerait-il comme une brioche ?» Alors Alexandre Jolien, là, nous explique bien que, en apparence, la personne handicapée doit être malheureuse, mais dans la réalité, c'est une personne comme les autres. Alors, elle peut avoir des difficultés d'accès à la société, mais elle a aussi la possibilité de développer des qualités, de l'humour, de la séduction. L'importance aussi de la séduction, qui justement, hein, la beauté, ça fait gagner un quart d'heure, hein, nous disait, je ne sais plus qui, la beauté, ça nous fait gagner un quart d'heure, mais donc on peut, par le biais de l'humour, par la proximité avec une personne en situation de handicap, nous fait aussi disparaître cette visibilité massive du handicap. Cette question de l'empathie, donc, ne serait pas le meilleur moyen d'essayer de composer avec des personnes en situation de handicap. Il y a aussi ce que vous appelez, plus tellement le temps de le développer, mais je voudrais le signaler, les compensations inopportunes. Se dire, ah, mais puisqu'il est handicapé, il faut que je lui apporte ceci, je lui apporte cela. Au fond, c'est le sentiment de pitié qui, là aussi, nous fait totalement taper à côté, dites-vous. Voilà, on se dit, c'est déjà difficile d'être handicapé, alors on va pas lui mettre un fardeau supplémentaire. Alors ça peut marcher quand ce sont des charges administratives, on va aider la personne, mais quand il s'agit de situations qui sont de l'ordre de la condition humaine, par exemple, aller à un enterrement, on peut empêcher une personne handicapée mentale d'aller à l'enterrement de sa mère en se disant, elle va gâcher la cérémonie, elle va pas comprendre ce qui se passe, et là, c'est véritablement un rejet d'une expérience difficile, mais d'une expérience difficile qui est un passage obligé et qui fait la condition humaine partagée. Merci infiniment Bertrand Cantin d'être venu ce matin nous parler de votre travail. Les Invalidés, nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap, un ouvrage qui a reçu le prix Littré de l'essai en 2019, décerné par le groupement des écrivains médecins, est donc disponible, on le mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec une chanson de Guillaume Depardieu, L'Estropié. Je suis l'estropié, le mutilé, je suis l'estropié, le mutilé. Mon corps n'a plus la posture du possible, l'arrogance sublime de la possibilité. De rien qu'un saut chez moi est grotesque. Au pathétique de mon handicap s'ajoutent les images ridicules dont m'affuble l'imaginaire collectif. En premier vient le pirate, impitoyable avec ses semblables et dont la cruauté est sans limite. Souffrant du pire, il est capable du pire. Souffrant du pire, il est capable du pire. Je suis l'estropié, le mutilé. L'imaginaire collectif des Sur France Culture, les chemins de la philosophie, l'estropié par Guillaume Depardieu dans le cadre de notre série sur le handicap. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver la chronique quotidienne philosophique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi parle-t-on d'urgence vitale ? Il y a une expression qui nous semble évidente, peut-être même redondante, c'est-à-dire que les deux mots qui la composent auraient exactement le même sens et finalement ne s'ajouteraient pas grand-chose l'un à l'autre, c'est l'expression d'urgence vitale. Toute urgence n'est-elle pas vitale, c'est-à-dire ne désigne-t-elle pas ce moment où la vie est menacée au point de pouvoir basculer d'un instant à l'autre dans son contraire qui est la mort, l'interruption de la vie ? Il est vrai que l'urgence a un critère vital, mais justement cela doit nous apprendre à réfléchir à ce que c'est que l'urgence, mais aussi à ce que c'est que la vie. Cette redondance n'a rien de simplement évident ou de banal. Elle doit nous donner un critère moral, politique pour penser l'urgence, pour hiérarchiser aussi les urgences, et inversement, quelque chose même comme une définition de la vie. Si on commençait par là, on pourrait dire d'une certaine façon que la vie, au fond, qui nous semble un état stable quand tout va bien, qui nous semble une propriété métaphysique dont on peut disserter tranquillement pour ou contre, la vie existe-t-elle ou pas dans des universités, dans des laboratoires, entre les biologistes et les philosophes. La vie, finalement, peut-être n'est-elle rien d'autre que ce qui peut basculer dans son contraire, ce qui est susceptible de continuation, mais aussi d'une interruption. L'urgence vitale, ou parfois mortelle, car on dit parfois qu'on est en danger de vie ou de mort. Ce n'est pas la banalité de la vie ou de la mort au sens inclusif du « ou » qui veut dire que tout se vaut. Bien entendu, c'est le contraire absolu. C'est le moment où le « ou » retrouve un sens extrême entre deux opposés que tout sépare. Car dans un danger de vie ou de mort, la ligne de crête sépare deux choses absolument contraires entre lesquelles nos corps, nos esprits, nos relations s'orientent de manière tout à fait différente et opposée. L'urgence nous redonne d'une certaine manière le sens de la vie. C'est d'ailleurs son danger puisqu'elle nous fascine, puisque nous pouvons rechercher cette expérience grisante où nous retrouvons le sens de la vie et de la mort dans l'expérience de l'urgence. Il y a donc aussi cette fascination vitale. Mais inversement, bien sûr, la vie nous donne un critère de l'urgence, un critère qui n'est jamais aussi extrême qu'il peut sembler. Bien sûr, dans l'urgence vitale, il y a cette idée que la vie et la mort sont séparées par un mince fil, ce que Jean Kelevitch appelait un instant, un presque rien, un instant presque fatal. Mais l'urgence, justement, c'est quand ce basculement n'a pas encore eu lieu. L'urgence, c'est une marge de temporalité plus ou moins grande, qui nous laisse aussi une marge d'action. L'urgence, ça n'est pas l'événement lui-même, ça n'est même pas forcément son imminence absolue, c'est plutôt une marge temporelle qui nous imprime une obligation, mais qui nous laisse aussi une capacité d'agir. Penser l'urgence vitale aujourd'hui, où elle revient partout dans le monde, c'est penser les conditions de notre action, plonger dans la réalité de l'ambivalence ou de la polarité de la vie, mais aussi dans l'action humaine, dans la construction d'un temps pour y répondre. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique « Le pourquoi du comment » est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à podcaster. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Ce matin, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Carla Michel, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. À la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre philosophie du handicap. Demain, nous serons en compagnie de la ministre Sophie Cluzel et on se demandera comment aller et faut-il aller vers une société inclusive. Que signifie ce terme ? D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et la télécharger, la podcaster grâce à l'application Radio France ou Spotify ou Deezer ou d'autres plateformes afin de la réécouter où vous voulez, quand vous voulez. Et on vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.